14e chapitre, première partie. Départ de Stauropol. Rapidité des chevaux, de poste cosaque. Nous risquons de nous noyer dans le Don. Aventure nocturne. Quelques jours de repos à Taganrog. Retour à Odessa. Il est impossible de voyager avec plus de rapidité que nous ne le fîmes depuis Stauropol jusqu'au Don. Le steppe est aussi uni qu'un miroir, et la poste beaucoup mieux servie que partout ailleurs. À peine arrivions-nous dans une station que des chevaux préparés dès le moment qu'on nous avait aperçus nous emportaient au grand galop jusqu'à la station voisine sans ralentir d'un seul instant la vitesse de leur course. C'était à donner le vertige. Une chaleur de 20 degrés au moins, la beauté du ciel et quelque chose de riant répandu dans l'air entretenait en nous un sentiment de bien-être qui nous laissa de ce voyage un souvenir délicieux. Dans aucune contrée, je n'ai jamais vu en aussi grand nombre ce qu'on appelle les fils de la Vierge. La voiture, les chevaux, nos vêtements étaient couverts de ces fils déliés, plus brillants que la soie, qui voltigeaient au gré de l'air et dont la présence faisait espérer encore une série de beaux jours. À mesure que nous avancions vers les pays civilisés, toutes les fatigues et les impressions de notre long voyage disparaissaient comme par enchantement. Les chameaux, les kalmouks, le désert, les circassiens même s'effaçaient peu à peu de notre esprit comme les visions d'un rêve. Chaque heure emportait avec elle un souvenir pour nous livrer à toute la joie du retour. Arrivés à Taganrog, y trouver nos lettres, nos amis, nos habitudes d'Europe, le bien-être de la vie civilisée dont nous ne jouissions plus depuis plusieurs mois que d'une manière fortuite, telle était notre pensée dominante. Aussi bénissions-nous la rapidité avec laquelle nous franchissions les distances, ne songeant pas même à jeter un regard sur les stanitsas qui s'enfuyaient derrière nous. Cependant, en traversant un village russe, force nous fut de donner quelque attention aux objets extérieurs. Tout le cortège d'une noce remplissait la rue, empêchant ainsi notre voiture d'avancer. Nous comptâmes une douzaine de pavosques remplis de jeunes gens des deux sexes. Les filles, la tête chargée de rubans, jetaient des cris presque sauvages et rivalisaient avec les garçons d'impudence et de grossièreté. C'était un spectacle dégoûtant. La fiancée ne différait des autres que par la profusion de rubans et des fleurs qui formaient sa coiffure. Du reste, sa figure était aussi enluminée, ses gestes aussi hardis, sa voix aussi perçante que celle de ses compagnes. On le croira difficilement, mais il nous fallut à peine 22 heures pour franchir les 316 verstes qui séparent Stauropol du Don. Mangeant, dormant dans notre voiture, nous ne mîmes pied à terre qu'au bord du fleuve où nous attendaient toutes sortes de tribulations. Je ne puis encore songer à cette mémorable nuit où le dramatique fut sans cesse mêlé au grotesque, sans admirer la ténacité du guignon qui nous poursuivit pendant tant d'heures. Grâce à la multiplicité des incidents, cette nuit devint le digne pendant de celle passée dans les montagnes du Caucase. Du reste, on va en juger. Sur les 10 heures du soir, parvenus à une certaine distance du Don, nous apprîmes que le pont qui devait nous servir de passage était en très mauvais état et que probablement nous serions forcés d'attendre le jour pour le traverser. Dans notre impatience d'arriver, un semblable retard ne faisait nullement notre affaire, d'autant que nous avions en perspective pour cette nuit même Rostov, où toutes les douceurs de la vie civilisée nous attendaient. Puis le temps, si doux jusqu'alors, s'était subitement refroidi et devait naturellement augmenter notre désir d'arriver au port. Tous ces motifs, sans compter le plaisir de lutter contre l'impossible, nous fit faire la sourde oreille et nous continuâmes notre route. Cependant, aux abords du fleuve, nombre de chariots dételés ne purent nous laisser aucun doute sur le mauvais état du pont. Des paysans couchés auprès de ces voitures, en attendant patiemment le jour, ajoutèrent encore leurs mots au récit de mauvais augure qui nous avait été fait. Tout cela nous sembla peu rassurant. Mais il n'était que 11 heures. Nous avions donc en perspective près de 7 heures à passer dans notre britchka, exposé au froid âpre de la nuit, tandis qu'une fois sur l'autre rive, nous pouvions gagner Rostov en 2 heures. Cette considération était en vérité trop puissante pour nous permettre d'abandonner notre projet. Mais en prenant le parti d'avancer, aucun de nous ne négligea les précautions que la prudence devait conseiller. Le cocher et le cosaque, munis d'une lanterne, furent chargés d'aller faire une reconnaissance dont le résultat devait décider si nous passerions ou non. Après une demi-heure d'exploration, ils revinrent nous annoncer que le passage n'était pas précisément impossible. Seulement, il s'agissait de prendre les plus grandes précautions, car le pont, à leur dire, avait des parties si peu solides que la moindre imprudence pouvait devenir fatale. Sans calculer les risques auxquels allait nous exposer une entreprise qu'on traitera de téméraire, nous prîmes promptement notre détermination. Mettant tous pied à terre, nous suivîmes la voiture que le cocher conduisait, tandis que le cosaque, marchant en tête avec la lanterne, lui indiquait, au fur et à mesure, les endroits à éviter. Il est douteux que dans le cours de ce long voyage, nous nous soyons trouvés dans une situation aussi effrayante. Le danger était imminent. Il n'y avait pas à s'y méprendre. Les craquements du pont, l'obscurité, le bruit de l'eau qui se faisait jour à travers le plancher à demi brisé que nous sentions fléchir sous nos pieds, les cris d'alarme que jetaient à chaque instant le cosaque et le cocher, tout se réunissait pour nous plonger dans une profonde épouvante. Cependant, la pensée de la mort ne me vint pas, ou plutôt mon esprit était trop bouleversé pour qu'une pensée distincte s'y fît jour. Plus d'une fois, la voiture se trouva engagée entre des planches tout à fait rompues. C'était des moments de cruelle anxiété, mais à force de persévérance, nous réussîmes enfin à gagner la rive opposée, sans avoir aucun malheur à déplorer. Ce passage avait duré plus d'une heure. Il était temps qu'il finît, car je pouvais à peine me soutenir. L'eau qui couvrait le pont était venue plus haut que la cheville. On dut me déchausser et m'envelopper les jambes dans une couverture pour leur rendre un peu de sensibilité. Est-il nécessaire de dire avec quelle satisfaction chacun reprit place dans la voiture. Les périls que nous venions de courir et que nous étions alors mieux à même d'apprécier nous faisaient presque douter de notre sécurité actuelle. Longtemps encore, il nous sembla entendre le bruit des vagues qui se brisaient contre le pont. Mais cette impression, toute vive qu'elle était, dut faire place à d'autres sensations, car nos aventures nocturnes n'étaient rien moins que terminé. À quelques verstes du don, notre mauvaise étoile nous gratifia d'un cocher ivre. En vérité, cette nuit était néfaste. Après avoir perdu la route, je ne sais combien de fois, après nous avoir fait traverser des fossés et des terres labourées sans s'inquiéter des soubresauts de la voiture, ce malheureux ne s'avisa-t-il pas de ramener le véhicule juste en vue du pont auquel nous ne pouvions encore songer sans frissonner. En vain, dans notre détresse, cherchions-nous à nous faire illusion. Hélas, il n'y avait pas à s'y tromper. Le don était en face de nous. Aksai, village que nous avions traversé en remontant dans la britchka, nous montrait de nouveau ses falaises et ses maisons bâties inégalement sur la hauteur. Qu'on juge de notre colère, avoir perdu plus de 2 heures à courir les champs pour nous retrouver précisément à notre point de départ. N'était-ce pas un guignon à démonter l'esprit le plus philosophe? Le seul parti à prendre était d'attendre le jour dans une catte. Mais notre abominable cocher, que la vue du fleuve avait subitement dégrisé et qui devait s'attendre pour le moins à une bonne volée de coups de bâton, se jeta à nos genoux et nous supplia, si instamment, de reprendre le chemin de Rostov, que nous nous laissâmes enfin attendrir. Le difficile était de regagner la route et nous eûmes encore à essuyer plus d'une alerte. Il y eut même un moment qui menaça de devenir tout à fait tragique. La voiture, en traversant un fossé, reçut une si forte secousse que le Yemchik fut arraché violemment de son siège, ainsi qu'Antoine qui tomba sur le brancard et s'y empêtra de telle façon qu'on eut mille peines à l'en tirer. Exprimer la confusion de cette scène serait chose impossible. Les cris de « Stoï, stoï !»« Arrête, arrête !» poussés par le malheureux interprète étaient si furieux que nous crûmes qu'il avait tous les membres cassés. Il fallait le voir lorsque le Cosaque et mon mari l'eurent délivré et posé à terre. Il se tordait en désespéré, quoique, au bout du compte, il n'eut que quelques contusions sans gravité. Quant au Yemchik, se relevant avec un sang-froid imperturbable, il remonta sur son siège comme si rien d'extraordinaire n'était arrivé. À le voir reprendre si tranquillement ses guides, on eût dit qu'il venait de quitter un lit de rose. Ces paysans russes, dans leur sauvage ignorance, font parfois preuve d'un stoïcisme qui semble ne pouvoir être que le résultat d'une haute civilisation. Il était 4 heures du matin quand nous arrivâmes devant Rostov, séparés du Don de 12 verstes à peine. Nous avions ainsi passé une partie de la nuit à tourner autour de cette ville comme des âmes en peine, sans que notre téméraire passage du fleuve nous eût servi à grand-chose. Allez donc risquer de vous noyer quand vos prévisions et vos efforts sont déjoués par une cause aussi vulgaire que l'ivresse d'un cocher. Mais la vue de Rostov nous consola de toutes nos mésaventures. Cependant, une nouvelle contrariété vint encore mettre notre patience à l'épreuve au moment même où nous nous félicitions d'être parvenus au terme de nos fatigues. Sautant à terre devant la poste, qui se trouvait à 2 verstes de la ville, notre coquin de cocher refusa positivement de nous conduire plus loin. Mais à ce dernier trait, le Cosaque, exaspéré, ayant recours à un long knout qu'il portait à son ceinturon, paya en ce moment au récalcitrant tout ce qu'il promettait de lui donner plus tard. Réveillés en sursaut, les gens de la station accoururent au cri du Yemchik. La femme du smatricle, surveillant, vint elle-même l'accabler d'injures, si bien qu'il fut forcé de nous mener jusqu'à la ville. Nous nous remîmes donc en route, mais plus d'une heure s'écoula avant que nous eussions gagné la maison de M. Yems. Ce n'était qu'à force de recevoir des soufflets de droite et de gauche que le coquin de cocher se décidait à avancer. Son ivresse lui avait valu un sommeil intempestif qu'il fallait combattre avec toute la brutalité moscovite. Maintenant, si l'on veut bien récapituler tous les événements de cette mémorable nuit, depuis notre arrivée au Don jusqu'à l'apparition de la demeure après laquelle nous soupirions si ardemment, on conviendra que nous avions eu plus que notre part de contretemps et que le repos nous était bien permis. Mais on va juger par ce dernier épisode de cette nuit, 3 fois maudite, que le sort nous tenait encore en réserve une de ses plus noires malices. La maison où nous comptions loger renfermait un magasin de blé appartenant à M. Yems, consul d'Angleterre à Taganrog. À notre départ de cette ville, le consul l'avait complètement mise à notre disposition, ayant envoyé d'avance ses ordres à son commis, M. Grenier. Parfaitement hébergés lors de notre premier passage à Rostov, nous avions emporté de cet asile momentané un souvenir fort agréable. À notre retour, l'idée d'aller ailleurs ne nous vint même pas à l'esprit, tant les instances de M. Yems avaient été vives pour que nous regardassions cette maison comme la nôtre. C'eût été lui manquer essentiellement que de paraître dédaigner son hospitalité. D'ailleurs, on a vu que la seule perspective d'en jouir nous avait fait braver toutes les difficultés de notre voyage nocturne. Cette petite explication donnée, j'en reviens au moment où la voiture s'arrêta devant cette porte que nous regardions comme l'entrée du paradis. Antoine s'empressa d'aller frapper tandis que nous nous disposions à descendre de voiture. Le cocher ne mit pas 2 secondes à dételer ses chevaux, se hâtant bien vite de s'en aller sans même demander un pourboire. Quelques minutes se passent. Mon mari impatienté frappe de nouveau. Lorsque le drogman arrive enfin, met la figure toute décomposée, ne sachant comment nous annoncer que M. Grenier, commis et provençal par-dessus le marché, refusait de sa propre autorité de nous recevoir sous prétexte qu'il n'avait pas de chambre à nous donner. Ne pouvant comprendre une pareille indignité et la mettant sur le compte d'un malentendu, M. de Hell se rendit aussitôt près de cet homme qui, se cachant le nez sous sa couverture, lui répéta impudemment que nous devions nous décider à chercher un gîte ailleurs. Tout commentaire est inutile pour juger une semblable conduite. Fermer pendant la nuit sa porte à des compatriotes, à une femme pour ne pas se déranger, est un procédé qui ne peut entrer que dans la tête d'un provençal. Les Kalmouks auraient pu donner une leçon de politesse à ce malotru qui eut le courage de se rendormir tranquillement, tandis que transi et grelottant, nous attendions le jour dans sa cour, sous ses fenêtres. On comprendra sans peine dans quelle situation je me trouvais jusqu'au matin, mouillée, brisée autant par les terribles émotions de la nuit que par les chaos de la voiture, mourant de faim et de sommeil, glacée par le froid pénétrant qui précède dans cette saison le lever du soleil, je n'avais réellement plus la conscience de ce qui se passait autour de moi. Dès que le jour parut, le Cosaque trouva des chevaux pour nous conduire au meilleur hôtel de Rostov, où une chambre bien chaude, un excellent bouillon et un large divan rétablirent un peu l'équilibre fort ébranlé de notre économie physique et morale.